10 000 questions, je me pose, y'a pas de réponse. Y'a des jours j'avance, y'a des jours je renonce. Un coup de semonce, texte violent incompris. J'envase mon esbile, c'est la genouille de Chalaoui. Peu de non-lieu, rares sont les gagnants en banlieue. On se ruine, enrichir la française des jeux. Des jeux de nos couronnes, les jeunes déjeunent. Avec le stress, l'enjeu, les plus courageux. Motocasse, pipe, quoi, c'est nuageux. Le parcours marécageux, j'mal écart, l'orgas vitreux. 10 000 questions, je me pose. J'suis avec la poisse et symbiose, j'suis pas nourri par la prose. J'crache ma rage dans le Pro Tools, rap de test. J'peux pas loyer de même expulse. Nathan dans l'opus, négus. C'est que ta main dans le plexus. En Lexus, j'fonce dans le mur, négus. Y'a pas de sous-métier pour la France en dessous. Juste des sales métiers où y'a jamais de sous. Y'a où y'a un patron qui te saoule. Le terrain c'est conflit de génération. Un dialogue de sourds en Porsche dans une soute. On veut des sous, y'a que la zermie qui nous soude. Quand les veines s'ouvrent, on fait souffrir vu qu'on souffre. Bipti, j'ai rien à t'offrir à part cette vie de ouf. Enterré vivant, j'étouffe, moi chante la soupe du gouffre. Quand cette vie nous éprouve, bitume expérience, je le prouve. C'est qu'en espile en première page du groupe. J'trouve pas de réponse aux questions que j'me pose. J'y pense quand j'pionce, j'y pense quand j'pose. Avant de se faire sauter le caisson, 10 000 questions j'me pose, 10 000 raisons, 10 000 saisons. Un million de soucis dans la tête, 10 000 questions avant qu'une bastos ne m'arrête, un dernier pilon. 10 000 lésions avant que ma tombe devienne prison, 10 000 questions. Ok, pour signer, moi j'suis né dans un parier. Essoufflé jeune, personne n'a vu quand j'me suis noyé. Du mal à payer loyer, c'est ça nos fins de mois. Une fois que l'opac nous a noyé, ben quand je pouponne, y'a jamais loin une pompe. Chaque jour qui passe, me rapproche de la tombe. Je vois sous les mains grandir, même si c'est sombre, faut pas que je tombe. Si je me trompe, je fais partie de cette hécatombe. J'y crois pas quand je leur dis que je vais être un trou. Trop de promesses, j'attends toujours la neige dans le Sahara. Rares sont les mannes qui tiennent leur kelma. Trop d'arcasfra, chez moi y'a pas de védétaria. J'trouve pas de réponse aux questions que je me pose. J'y pense quand je pionce, j'y pense quand je pose. Avant de se faire sauter le caisson, 10 000 questions, je me pose, 10 000 raisons, 10 000 saisons. Un million de soucis dans la tête, 10 000 questions avant qu'une bastos ne m'arrête, un dernier pilon. 10 000 lésions avant que nos tombes deviennent prison, 10 000 questions. Quand tu pleures si je clame, minute 10, 51, pourquoi soir s'il n'a pas de grâce, c'est Tuki Williams. Pourquoi nos vies sont sans suspense? Pourquoi c'est chacun pour sa pense? Pourquoi la guerre en Irak point quand j'y pense? Pourquoi j'ai pas le droit à l'erreur dès le premier album? Réussir ou périr, pour ça que je dois faire platinum. Pourquoi y'a plus de dissidents dans le rap, c'est franc? Pourquoi dois-je vendre ma souffrance pour en vendre? Pourquoi j'aime la France? Pourquoi je peux plus la comprendre? 10 000 questions, cherche pas à comprendre, 10 000 raisons, 10 000 prisons. J'trouve pas de réponse aux questions que je me pose. J'y pense quand je pionce, j'y pense quand je pose. Avant de se faire sauter le caisson, 10 000 questions, je me pose, 10 000 raisons, 10 000 saisons. Un million de soucis dans la tête, 10 000 questions avant qu'une bastos ne m'arrête, un dernier pilon. 10 000 lésions avant que nos tombes deviennent prison, 10 000 questions.